à la recherche de mon destin, accroché à mes rêves lointains, malgré mes diverses défaites et malgré toutes les tristesses. Oui, je te cherchais, mais au fond de mon cœur, je savais que je finirais par te retrouver. Tu es ma divinité, déesse de la beauté. Tu m'as fait plonger dans un lac de pureté. Et je rêve d'être à tes côtés, ensemble pour l'éternité. Rien ni personne ne pourra nous séparer. On s'aimera, ma divinité. Et par un matin de printemps, oh j'ai défié le temps, je t'ai enfin retrouvé, avec ton regard qui m'étincelait, mon cœur qui battait, et toi qui tremblais, au rythme des sentiments et de notre passion. Tu es ma divinité, déesse de la beauté. Tu m'as fait plonger dans un lac de pureté. Oh, et je suis enfin à tes côtés. On reste ensemble pour l'éternité. Oui, rien ni personne ne pourra nous séparer. On s'aimera, ma divinité. Et je suis enfin à tes côtés. Ensemble pour l'éternité. Rien ni personne ne pourra nous séparer.